Mosaïque. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Meilleurs vœux pour l'année 2019 à tous les fidèles de notre station. Après le référendum constitutionnel de mai 2018, le gouvernement se prépare à un autre rendez-vous, celui des élections de 2020. Après la feuille de route de Kayanza vers les élections de 2020, décriée par certains partis politiques, le gouvernement va bientôt consulter les acteurs et partis politiques pour contribuer en vue de la mise sur pied et l'adoption du code électoral par les organes habilités. Cependant, l'opposition en exil souhaite que ces élections soient organisées après un consensus de tous les acteurs à travers un dialogue inter-burundais. Le souhait est rejeté par le pouvoir de Bujumbura qui estime que le rendez-vous de 2020 reste imperturbable. Ceux qui contestent la feuille de route de Kayanza sont-ils prêts à s'asseoir ensemble avec les partisans de cette feuille de route pour proposer des avis pour la mise en place du code électoral? Pensez-vous que le code électoral est-il un enjeu par rapport aux élections de 2020? Quelles sont les innovations envisageables qui devraient être mises dans le nouveau code électoral? Quelles sont les propositions en vue d'un code électoral consensuel? Pour en parler dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons dans le studio de la radio Isanganiro, honorable Tassien Sibomana, qui représente la coalition Amizero Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je salue les auditeurs de la radio Isanganiro et encore une fois, je leur souhaite l'année 2019 comme une année de paix, de bonheur, de bonne santé, de prospérité. Nous accueillons également Olivier Ngurunziza, il est secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Et je souhaite le meilleur vœu à tous les auditeurs, mais aussi à tous les Burundais qui nous écoutent. Nous sommes aussi avec docteur ambassadeur Denis Banchimiyoussa, politologue de formation. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de votre invitation. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, c'est Jérôme Nyonzima, Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Pacifique Chubahiro à l'animation de Mosaïque, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Mosaïque. Olivier Nkurunziza, au niveau de l'IPRONA, vous soutenez la feuille de route de Kayanza. Et aujourd'hui, on vous appelle à contribuer pour le code électoral. Pensez-vous que le moment est opportun? Au niveau du parti UPRONA, effectivement, comme vous le dites, nous avons signé sur la feuille de route de Kayanza. Et dans la feuille de route de Kayanza, il y avait des articles qui demandent au gouvernement de voir, dans les plus brefs délais, de voir comment mettre en place le code électoral qui soit conforme d'abord à la constitution actuelle, mais aussi il y avait des suggestions de la CENI qui avait proposé tout ce qu'on peut changer après avoir terminé les élections de 2015, mais aussi de 2018, les élections référendaires. Alors c'était le moment opportun parce qu'on est en 2019 et en 2020 on est au rendez-vous. On ne peut pas achever vers les élections sans toutefois qu'on a le code. Aujourd'hui, alors, le parti UPRONA va contribuer. Aujourd'hui, même, nous sommes tentés d'échanger sur cette question. Les partis politiques se trouvent à Gitega pour qu'on leur communique les articles amendés pour qu'ils donnent leur contribution. Est-ce que vous ne voyez pas que vous faites cavalier seul? Pas du tout. Est-ce que c'est le parti UPRONA seul, mais aussi c'est l'ensemble des partis politiques qui se trouvent ici au Burundi, mais aussi c'est un projet. Peut-être ce projet, on a mis en place une commission à travers le ministère de l'Intérieur Et on a communiqué au président des partis politiques, mais aussi à tous les hommes politiques qui le veulent, qui vont participer dans les élections, de donner les contributions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du parti IPRONA? On va s'asseoir ensemble, voir les articles à demander, contribuer encore une fois. Voilà. Tassé Sibomana, par rapport à l'aspect d'opportunité vers les élections, aujourd'hui, vous êtes parmi ceux qui soutiennent que les élections, c'est un aboutissement d'un dialogue franc et sincère entre partenaires politiques et Burundi. Pensez-vous que c'est opportun aujourd'hui de parler du code électoral vers les élections de 2020? Merci beaucoup. Je pense que votre question est très pertinente parce que quelqu'un qui croit qu'il va avancer vers les élections de 2020 sans avoir vidé le contentieux de 2015, c'est rater le virage de la solution à la crise burundaise. Parce que comme j'aime le dire, le processus électoral est une dernière étape de sortie de crise. Or, vous vous rappelez ce qui s'est passé au référendum constitutionnel, sans parler du fait que le non n'a jamais, le oui n'a jamais gagné, hormis ce qui a été déclaré par la CENI. Vous savez que toute l'opposition, qu'elle soit interne et externe, avait décrié cela, parce que cela devait être l'issue du dialogue inter-burundais qui était en cours à Arusha, sous les auspices de l'EAC. Maintenant, le CNDD-FDD et ses acolytes ont foncé. C'est comme ça qu'ils continuent à foncer même vers le code électoral. En mon résumant donc, le code électoral ne signifie rien parce que c'est une simple émanation de la Constitution que nous avons tant décriée, parce que c'est une Constitution unilatérale qui remet en cause l'accord d'Arusha, qui traite différemment les citoyens burundais parce que un indépendant, parce qu'il n'y a aucune obligation à faire partie d'un parti politique. Et pourtant, vous avez le droit de vous faire élire ou d'élire sans nécessairement appartenir à un parti politique. Mais donc, si tout cela contient dans la Constitution, le code électoral, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Parce que c'est un copier-coller, c'était une petite brochure de la Constitution que nous avons décriée. Mais entre-temps, il y a une partie qui avance. Il y a le référendum que vous avez décrié, ça a été organisé. Il y a la fête de route de Kayanza à laquelle vous n'avez pas pris part, mais qui tient lieu de document pour ces élections. Aujourd'hui, on parle du code pénal et vous dites que ce n'est pas au porte. Finalement, on arrivera aux élections alors que vous continuez à réclamer. Vous savez, monsieur le journaliste, chaque chose a un début et a une fin. Même en 2015, ils sont allés seuls. Est-ce que le Burundi en a gagné? Est-ce que la crise multidimensionnelle qui continue à secouer le Burundi n'est pas née de cela? Est-ce que finalement, ces gens qui continuent à foncer unilatéralement, sans qu'il y ait un consensus entre les acteurs politiques et surtout les acteurs politiques clés, je n'ai pas peur de le dire, est-ce que vous croyez que c'est au profit du peuple burundais? Et vous croyez que faut-il être quelqu'un qui suit moutonnièrement pour des histoires qui n'avancent pas le pays? Nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faut et proposer des voies de sortie qui rassurent le peuple burundais. Sinon, je ne crois pas que ce soit nécessaire de danser au rythme de ceux qui ne voient pas que nous vivons une crise inhérente à un forcing électoral de 2015 dont on n'est pas encore sorti. Denis Bachimiboussa, il y a Olivier qui parle du respect d'un calendrier bien donné pour les élections de 2020. Il y a Tassien qui parle de la nécessité d'abord d'un dialogue pour vider les questions, notamment celles soulevées en 2015. À votre niveau, pensez-vous que c'est opportun de parler du code électoral aujourd'hui? Pour parler du moment propice ou non du code électoral que l'on est en train de discuter ces derniers jours, il faudrait d'abord se poser la question de la finalité de ce genre de texte. Pourquoi doit-on avoir un code électoral? Ou alors, tout simplement, pourquoi doit-il y avoir des élections? Comme j'aime le dire, les élections s'insèrent dans le cadre du processus démocratique initié depuis les années 1990. Et qui dit démocratie, dit un certain nombre de principes qui doivent être respectés pour pouvoir aboutir à cet idéal-là, à cet idéal-là, même si parfois on n'y arrive pas. Alors, nous savons que depuis quelques années, il y a une crise politique au Burundi. Nous avons, par exemple, des institutions issues des élections de 2015 et qui sont décriées par une certaine opinion, surtout à les opposants politiques. Et de là est né les différents types de dialogues. Il y a le dialogue initié à l'extérieur du pays, l'autre initié à l'intérieur du pays. Mais de toute manière, ça montre qu'il y a crise. Comme toute personne peut bien le remarquer, le code électoral, c'est-à-dire les règles du jeu, devraient venir comme étant le couronnement d'un terrain bien préparé, des acteurs, des joueurs bien préparés et donc d'une situation très propice pour les élections. Est-ce que c'est le cas ? Apparemment, il y a des divergences sur ce point, comme vous l'avez dit en introduction. Donc, peut-être que là où on est en train de discuter, ou ces derniers jours avant que le projet du code électoral n'aboutisse à l'étude au Conseil des ministres, peut-être qu'on aura des occasions franches pour pouvoir vider ce genre de questions. Du moins, je l'espère. Olivier, on dit au niveau de l'IPRONA, comme vous soutenez que c'est le moment opportun, êtes-vous prêt à proposer des modifications ou contribuer à ce que ce code électoral puisse aider justement au déroulement des bonnes élections en 2020? Nous, au niveau du parti IPRONA, comme nous l'avons dit, nous soutenons d'abord qu'aujourd'hui, et nous félicitons d'abord que le gouvernement a pris en considération dans ses gestions. De toutes les façons, quelles que soient les conditions que l'une ou l'autre personne est en train de soulever. Qu'est-ce que vous avez suggéré entre-temps ? Oui ? Qu'est-ce que vous avez suggéré entre-temps par rapport à ces élections ? Au niveau de code, je vais d'abord revenir pour cela. Mmh. Au niveau du parti IPRONA, ce que nous avons toujours suggéré, c'est de revoir que le code électoral devrait se conformer à la constitution que le parti IPRONA a soutenue. Et nous avons voté oui. Et je suis totalement... C'est ce qui a été déjà lu par Tassien Simon, que le code est conforme au prescrit de la constitution. Et je suis totalement étonné. Laquelle constitution n'est pas acceptée par sa formation? Parce que Tassien, dans son introduction, il a dit que le oui n'a jamais gagné. Ce qui est tout à fait... C'est ce qui est exprimé, la réalité est tout autre. On a gagné les élections par oui, il ne faut pas mentir le pire de toute façon. Il n'accepte pas les résultats, c'est son droit. C'est son droit de oui, il ne faut pas dire que ça n'a pas gagné. C'est mon droit. C'est créer surtout de polémiques inutiles. Mmh. Alors pour moi, au niveau du parti IPRONA, d'abord c'est ça ce qu'on a proposé. Il fallait d'abord s'asseoir ensemble et voir comment... le code électoral soit conforme à la constitution. C'est vraiment la première chose qu'on devrait faire. Ensemble. Ce sont les acteurs politiques qui vont participer dans les élections, qu'ils soient les partis politiques et les indépendants. Le problème qui se trouve ici au Burundi aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes qui ne veulent pas participer dans les élections et ceux qui veulent participer dans les élections. Et dans l'année de 2019, si on soit empêché par les opinions de l'une ou l'autre personne pour ne pas participer dans les élections, ça sera un problème. Alors, mais il y a Tassien qui dit que mieux vaut attendre pour avoir des élections inclusives, vider d'abord des questions qui sont pertinentes pour des bonnes élections. À 2019, on ne peut pas attendre. Mais ce que je suis sûr et certain, c'est qu'il faut que toutes les personnes, c'est ce qu'on a souhaité depuis longtemps, que tout le monde contribue. Mais aujourd'hui, avoir le dialogue inter-Burundi qu'on a soulevé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, son état d'avancement. Si on attendait encore les 3 ans, on va tomber dans le vide institutionnel. C'est ça le piège. Alors, ce qu'il faut faire, il faut éviter ces pièges. Il faut que quand même il y ait le code pour que, bien sûr, il y ait des élections au Burundi dans le plus bref délai. D'abord, se conformer à la constitution burundaise, mais aussi mettre ce qu'on a demandé comme homme politique. En tout cas, avoir ce qu'on a soulevé dans la réunion des partis politiques aujourd'hui, et avoir les articles amendés, on trouve qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a changé par rapport aux choses. Le fisc se conformer aux élections, mais aussi nous avons vu et nous avons entendu que on a regroupé les élections présidentielles, même dans les élections de 2015, on avait regroupé les élections des parlementaires, conseils communaux, mais quand aujourd'hui on dit qu'on va les regrouper avec les présidentielles, pour nous, au niveau du parti Prona, il n'y a pas quelque chose de grave. Mais aussi, il y a d'autres éléments qu'on a évoqué, mais qui a été l'objet de discussion. Par exemple, on a soulevé qu'on va augmenter le quotient quand pour participer, être candidat président. On propose 50 millions. De 50 millions, c'est ce qu'on a proposé. On est là pour aussi proposer et pour voir si est-ce qu'il faut continuer. C'est toujours un projet. On est ici pour discuter. Alors, comme le gouvernement a lancé toutes ces propositions pour que les hommes politiques en discutent, les portes sont ouvertes, il faut contribuer. Quels sont ces hommes politiques dont vous nous parlez? Tachis Boman, une fois invité, Olivier dit qu'il va toujours prendre part à ces discussions. Est-ce que vous êtes là, prêt pour contribuer au nouveau code électoral? On a toujours été prêt à contribuer, mais on n'a jamais été mis à contribution. Pourquoi justement? Pourquoi certains et pas tous? Mais il paraît que les portes sont toujours ouvertes à tous les politiciens. Il a quel pouvoir pour les ouvrir? Je ne peux pas épiloguer là-dessus, mais je sais ce qu'il représente par rapport au système. Alors, vous vous dites qu'il y a des documents de référence, à commencer par la Constitution, la feuille de route de Kayanza. Vous vous rappelez très bien que ce sont des documents, comme je l'ai dit, qui ont été préparés de façon unilatérale. Vous-même, qui aimez dire que vous avez contribué, vous ne faites que danser sur le rythme qui vous est imposé. Je ne le crois pas, monsieur Tassi. C'est moi qui le dis, vous avez le droit de refuser. L'opinion c'est ton qui opinion, nous écoute c'est ton opinion, a le c'est droit ton d'apprécier. Mais de toute façon, par rapport au système, c'est une DFDD. Je ne crois pas que l'opinion, ça, c'est que vous représentez quelque chose. Si tu parles du système, c'est une DFDD, moi je parle du système et de l'Iprona. Nous ne sommes en train de parler des documents de référence électoraux. D'accord. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à proposer pour imposer un changement dans le sens que vous voulez? Nous avons heureusement que vous voulez ce que le CNDD veut, sinon ça vous aurait été très difficile d'y parvenir. Alors, ces documents, comme je l'ai dit, sont des documents qui ont été préparés dans les circonstances qui sont connues. Même ce code, c'est dans le même ordre d'idées. Vous dites qu'il y a des gens qui sont appelés à Gitega. Quels genre de politiciens? Les partis politiques. Ce sont les partis politiques. Satellites au sein des DFDD qui ont refusé de participer au cinquième round de dialogue inter-Burundi. Vous n'avez pas été invité? Du tout. Du tout alors. Alors, si vous croyez que la coalition des indépendants misérables n'est pas un acteur clé pour participer dans la conception des documents de référence électorale, vous êtes à côté de la plaque. Vous niez une réalité qui est criante. Il y a, sans parler des autres qui sont à l'extérieur. Vous voulez que vous voulez parler des élections. Quels sont les concurrents? C'est le CNDD-FDD qui va partir seul. Vous voulez parler de l'Iprona. Vous ne serez pas là. Nous n'avons même pas le droit de participer. Vous savez qu'on a pris en otage nos partis politiques. On avait trouvé une brèche constitutionnelle de participer en tant qu'indépendant. On vient de bloquer cette voie. Et vous voulez parler des élections. Entre qui et qui? C'est le CNDD-FDD, ses acolytes, Mutabazi, Gachati, Jacques Guirimana, et j'en passe, Rosovio et autres, qui n'auront jamais 1% ou 0,5%. Ce sont ces gens dont vous parlez qui vont imposer une certaine logique pour avoir un bon code électoral. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je n'ai même pas le droit de discuter sur son contenu parce que c'est une petite brochure tirée de la Constitution que vous connaissez, qui traite très différemment les citoyens burundais, comme je l'ai dit. Alors, maintenant, cette réunion regroupe encore une fois les acolytes du CNDD-FDD et ils vont continuer à chanter à ce rythme comme ils l'ont fait depuis un certain temps. Il a parlé d'une question d'opportunité parce que le temps presse, faisant allusion au processus de dialogue qui vient de faire 3 ans dans l'impasse, comme s'il ignorait. Il parle d'un piège, comme d'un s'il vide ignorait constitutionnel. Qui tend le piège à l'autre. Qui a fait que le processus... À l'entendre, c'est l'opposition qui veut tendre le piège. Je suis convaincu qu'il y a l'opinion qui écoute. Il peut dire tout ce qu'il veut. L'opinion est là pour juger. Est-ce que l'opinion ne sait pas que c'est le pouvoir et le sein de DFDD, y compris son aile et l'ultra-minoritaire, qui ont fait que le processus n'est pas abouti à quoi que ce soit? Si le processus avait abouti, on ne serait pas dans ces débats. On serait en train de travailler pour que justement les conditions, l'environnement légal, l'environnement politico-sécuritaire dont parlait le professeur, soient là pour que tout le monde participe dans une compétition royale qui va générer des institutions acceptables par tout le peuple burundais, par la communauté internationale, et qui en définitive va sortir le Burundi de la crise. Mais aujourd'hui, s'ils continuent comme ça, c'est signifier qu'ils ne veulent pas que le Burundi sorte de la crise. Docteur Denis Bachimiyoussa, Olivier parlait de piège, Tassien Siomana, finalement, c'est juste un alibi du côté du pouvoir pour faire cavalier seul. Et pensez-vous qu'il y a vraiment un enjeu autour des élections de 2020? Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, effectivement, comme je l'ai dit, il faut préparer le terrain et les acteurs pour pouvoir aboutir à des élections paisibles. Alors, comme on le voit, il y a des côtés qui restent à distance l'un de l'autre, qui ne se rapprochent pas. Et l'un accuse l'autre de vouloir tendre un piège à l'autre. Alors, là n'est pas la question. La question est de la qualité de nos hommes et femmes politiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est leur vision? Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes d'État, c'est-à-dire qui veulent le bien du peuple? Sinon, nous avons vu dans certains pays, même dans des pays limitrophes ou proches de, qui sont dans la même région que nous, des opposants et des hommes de la majorité se tendre la main pour se réconcilier pour le bien du peuple. Mais un leader du parti comme Olivier qui craint un vide institutionnel et pour cheminer vers les élections de 2020, c'est... Comment... Est-ce qu'il n'a pas comment raison? Comment est-on... Comment a-t-on fait pour arriver à cette crainte d'un vide institutionnel à la veille des élections? C'est ça la question. Il faut, ou alors il aurait fallu vider ce contentieux, cette crise à temps. Et les différents types de dialogue, moi je parle des différents types de dialogue, que ce soit le dialogue alors inter-burundais qui se déroule à l'extérieur, ou alors le dialogue des Burundais qui sont à l'intérieur, devaient alors avoir fait leur pas pour pouvoir vider cette crise. Alors, le problème qui se pose, c'est on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'il y a le temps qui presse. Alors, pour les hommes et les femmes de bonne volonté, ayant une volonté politique, il n'est jamais trop tard pour faire. Il n'est jamais trop tard. Donc, il y a possibilité, s'il y a volonté politique, il y a possibilité de s'asseoir ensemble pour vider certaines grandes questions qui divisent les différents camps politiques. Mais le problème, c'est comme si c'est un enchaînement des faits. Si on ne s'entend pas sur l'organisation du référendum constitutionnel et qu'on ne s'entend pas sur la feuille de route, aujourd'hui, c'est le code électoral. Finalement, c'est vraiment difficile de s'entendre sur un code électoral, alors que même avant, sur les aspects les plus importants, notamment la constitution, on ne s'est pas entendu. À supposer que le draft de ce projet de constitution sur lequel on a jeté un coup d'œil soit correct. Je dis bien à supposer parce que j'en suis pas sûr. Du code électoral, ok. Du code électoral, oui. Vous n'êtes pas sûr de l'authenticité du document? Puisque c'est pas... C'est encore un temps embryonné. De manière officielle. Donc, personnellement, je ne peux pas dire avec certitude que c'est correct. Alors, à supposer que le document à notre disposition soit correct, ça ne serait pas un document qui vient pour aider à résoudre la crise. Comment? Parce que le contenu du document, je dis bien celui à notre disposition, c'est un document qui continue à exclure une partie des hommes et femmes politiques. Alors là, ce n'est pas sur la bonne voie. Pour une bonne voie, il faut que ça soit inclusif. C'est pour cette raison que lorsque vous dites que c'est un continuum, c'est exactement cela. Alors, si on devait arrêter de s'enfoncer toujours dans la crise, pour s'asseoir ensemble, je crois qu'on n'aurait pas eu ce genre de document. Il y a Olivier qui dit qu'on ne pourra pas prendre des gens par force pour participer aux élections. Non. La finalité des élections, c'est quoi? La finalité des élections, c'est fournir au peuple des institutions crédibles, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes politiques qui occupent des positions de pouvoir après avoir bénéficié de la crédibilité du peuple. Alors, si vous dites on ne force pas, non plus celui qui ne participe pas aux élections ne croira pas, n'aura pas la crédibilité dans ces institutions. Et des institutions ne bénéficiant pas de la crédibilité de tout le peuple ne peuvent pas bien fonctionner. Vous pouvez voir que c'est une crise qui continue. Même si on dit on est là, on est en train de travailler, mais la crise reste là. Et c'est là le problème que nous vivons depuis quelques années. Il faudrait donc arrêter cela par l'organisation d'un processus électoral crédible, c'est-à-dire sincère, qui requiert tout le nécessaire pour être crédible. Olivier Nkurunziza, craignez-vous une tension qui pourrait résulter de ce processus où certains, comme Tassien, pensent que c'est un processus que vous voulez mener, vous d'un seul camp, et oublier d'autres personnes qui ont des voix peut-être dissonantes que votre camp? Il n'y a pas de tension, et ça sera vraiment à faire peur à la population burundaise, il n'y en aura pas. Mais ce que je vais dire, c'est une chose. Même si au Burundi, il y aura du dialogue inter-burundi, je pense qu'on ne va pas dialoguer sur la révision encore de la Constitution. On a déjà voté les élections. Ça, c'est un acquis de fait. Attendez, parce que quand on dit qu'il faut attendre de réviser code électoral pour d'abord qu'on s'assoie ensemble pour trouver des solutions. On dirait que pendant le dialogue inter-burundi qui aura lieu, on va s'asseoir ensemble et mettre en cause la constitution qui a été votée. C'est pas du tout la crise. C'est pas du tout. Il y a l'accord d'Alger qui ce que nous avons discuté, c'est bien dit. Nous avons discuté qu'on va se mettre ensemble pour voir la feuille de route, comment préparer la feuille de route. C'est ce qu'on a dit. Alors, à entendre alors ce qu'on est en train de discuter, on est totalement déboussolé là où on sommes. On ne va pas encore discuter sur la Constitution. Alors, le code électoral aujourd'hui, qui se conforme à la Constitution, et que la Constitution, c'est la loi mère, est-ce qu'aujourd'hui, on va empêcher le code électoral de se conformer à la Constitution? Ça serait vraiment un problème. Alors, pour que les Burundais qui nous écoutent... Mais est-ce que vous espérez que Tassien qui conteste certains éléments de la Constitution, oui, et qu'il trouve que tout ce qui est dans le code, les propositions du code électoral, ça vient tout droit de la Constitution? Pensez-vous que ça sera facile de s'asseoir avec lui pour... Oui, moi ce que j'aurais pu entendre aujourd'hui, électoral, c'est de dire que voilà, en dehors de ce que la Constitution demande pour que le code électoral se conforme à la Constitution, il y a des éléments qu'on a mis qui sont en dehors de la Constitution, que les hommes politiques et les acteurs politiques peuvent s'asseoir ensemble et discuter. Ça, c'est modifié. On peut le modifier. Mais ce qui est demandé par la Constitution de se conformer à la Constitution, est-ce qu'on va modifier ça? Ça, c'est impossible. Et la plupart de ce qu'on a fait aujourd'hui, à entendre le projet, ce qu'on a expliqué aux partis politiques, on a mis les éléments de la Constitution qui demandent que le code électoral de se conforme à la Constitution. Aujourd'hui, à entendre, je ne sais pas quel genre de dialogue qui fasse s'opérer au Burundi pour modifier la Constitution encore une fois. C'est ça où je trouve. En dehors de ce qui est de la Constitution, c'est discutable. Tassis Boman. Non, je suis très à l'aise quand j'entends mon ami Olivier, parce qu'il ignore la genèse de la crise qui s'écoule au Burundi jusqu'à aujourd'hui. Quand vous êtes un médecin et que vous ne voulez pas reconnaître le diagnostic, comment voulez-vous soigner le malade? Oui, il y a au moins les séquelles. Au moins les séquelles. Est-ce que Olivier peut nier que le Burundi est en crise? Le Burundi n'est pas en crise, a des problèmes politiques. Parce économique non plus. Avoir la crise, c'est-à-dire qu'il y a paralysie totale, qu'il n'y a pas des organes qui fonctionnent ici au Burundi. Au Burundi, il y a des problèmes. Tu veux parler de la gravité de la crise. Il y a les problèmes politiques qu'il faut que les hommes s'assoient ensemble. Ok, encore une fois, j'ai dit que nous parlons aux auditeurs. Il a ses convictions, oui. Il a ses raisons, il a ses calculs. Nous allons donner nos avis, nous allons donner nos analyses. L'opinion qui nous écoute va apprécier. Oui, exactement. Il ignore complètement la crise qui s'écoule au Burundi, dans ses aspects les plus multiples. Il ignore la genèse de la crise. S'il n'accepte pas qu'il y a contentieux électoral depuis 2015 et qu'il veut qu'on avance, d'ailleurs, on a aggravé ce qui était en 2015. En soi-disant préparant les élections de 2020. Alors, si déjà en 2015, cela a généré une crise, je me demande si ce qui est en train d'être préparé est vraiment peut donner de l'espoir au peuple burundais, qu'en 2020, il n'y aura pas de problème. Pourquoi je vous le dis? Qui ignore que réellement tous les partis politiques qui peuvent concourir avec le sein de DFDD ont été émiettés. Qui ignore que la coalition des indépendants est maintenant interdite. Pourquoi cela? Par la constitution votée. Constitution, vous croyez que c'est préparé par qui? La loi est préparée par les Burundais pour les Burundais. Mais c'est la constitution qui nous régit aujourd'hui. Alors, si votre constitution... Vous reconnaissez que c'est une constitution qui institutionnalise l'exclusion, qui viole les chartes des conventions internationales que le Burundi a malheureusement ratifiées et qui sont citées systématiquement. Pas malheureusement. Non, malheureusement. Ah, heureusement. Les ratifier sans les mettre en application, autant ne pas le faire. Parce qu'effectivement, dans le préambule même de cette constitution contestée, parce que mettant en cause l'accord d'Arusha, ces chartes et conventions sont citées en caractère gras. Mais quand il faut lire le corps de cette constitution, vous vous demandez si ceux qui l'ont rédigée ont eu une suite logique dans leur façon de rédiger. Vous faites des textes de référence, mais dans le corps, vous n'y faites jamais allusion. Ou vous violez ces conventions citées dans le préambule. C'est quel genre de constitution. Olivier ne sait pas peut-être où il le fait sciemment. Je vais lui rappeler que c'est ainsi malheureusement le cas. Alors, consultation pour changer ceci ou cela, pour préparer ceci ou cela. Qui consulte qui? Ces gens qui dansent, comme je vous l'ai dit, n'ont même rien à proposer. Ils vont prendre acte. Si le CNDD-FDD a déjà béni, ils vont prendre acte, c'est tout. Alors qu'on a besoin justement de préparer des textes qui permettent une compétition sereines, qui sont en dehors de la constitution, acceptables par le peuple burundais et qui va générer des résultats qui vont être profitables au peuple burundais. Le professeur a posé la question de la crédibilité et de la légitimité. Vous forcez en croyant que vous allez diriger malgré les lamentations, ce n'est pas ça être un bon chef. Il faut faire en sorte que vous contentiez le maximum, vous soyez légitimé par le maximum de la population. Même si vous vous dites, moi j'ai de la force, je vais régner, hormis les peurs et les grincements dedans du peuple, tant ou tard, vous vous cassez. Les exemples ne sont pas... Honorable Tassian, vous avez dit que malheureusement, vous n'avez pas été convié à l'activité de Bitega. Il dit, on ne va pas forcer des gens. Il y en a qui sont contraires, qui sont en exil. Nous-mêmes qui sommes ici, nous ne sommes pas conviés. Et il dit, on ne va pas forcer les gens. Vous n'avez pas été convié, oui, non. Mais si une fois l'invitation vous parvenait, est-ce que vous voyez des innovations envisageables pour le nouveau code électoral? Les innovations se trouvent dans l'accord d'Arusha. L'ancienne constitution de 2015, que nous nous considérons comme toujours... 2005. Olivier soutient la constitution. Qui est d'ailleurs toujours en place. Parce que même la fois passée, j'ai cru comprendre que même les autorités reconnaissent que Il y a des fois où elle se réfère à la constitution de 2005 et d'autres fois où elle se réfère à la constitution de 2018. Quel genre de pays? Est-ce que vous pensez que la constitution de... Vous ne pouvez pas avoir deux constitutions concurrentes. La constitution de 2005 a été amendée et non pas falsifiée. Non. Il ne faut pas interpréter. Il faut au moins répéter ce que les autorités ont dit elles-mêmes. Ils disent qu'il y a des fois où il y a des dispositions de la constitution de 2015 qu'on applique, 2005... Et d'autres occasions, on n'a pris que celle de 2018. Donc, il y a deux constitutions concurrentes, ce qui n'est pas normal. Alors, tout cela, Olivier, il chante, ça va, dans le meilleur des cas, ça marche très bien. Il faut foncer vers les élections qui vont continuer à nous faire vivre des situations comme ça. Moi, j'ai répondu à la question posée. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, je vous donne un exemple. Des gens s'assoient ensemble pour prendre une disposition qui dit un indépendant dans sa circonscription, pour avoir droit à un siège, qu'il soit un siège de conseiller communal ou de député, il doit avoir 40% du vote. C'est la constitution qui le dit. C'est justement, toi tu ne sais pas ce que tu dis. C'est la constitution qui le dit, ça veut dire quoi? Cette constitution a été faite par qui? Et pour qui et contre qui? Aujourd'hui, on n'est pas en train de discuter la Constitution. Alors, 40%, un parti politique qui est censé avoir une implantation nationale, on lui demande seulement 2%. Imaginez-vous, quel est ce genre de constitutionnaliste ou de juriste qui s'est assis pour prendre une disposition comme celle-ci? Après avoir cité la Charte internationale des droits de l'homme, les pactes par disait qui sont contenus dans le préambule de la Constitution. C'est traiter différemment les citoyens burundais. Comme je l'ai dit tantôt, tous les Burundais ne sont pas obligés de faire partie des partis politiques. Surtout qu'ils ne volent pas très haut par les temps qui courent. Donc je me demande si celui qui chante toujours, ça émane de la Constitution, comme si la Constitution est tombée du ciel. Bon. Bref, il y avait beaucoup de choses à proposer. Mais le cadre n'est pas encore là, parce que le dialogue, le gouvernement, le CNDD-FDD et leurs acolytes l'ont bloqué. Et c'est cela justement la raison qui pousse qu'ils veulent justement aller de façon unilatérale dans ce processus électoral. Pour vous, c'est là où le bas blesse. Oui, c'est ça le mal. L'émission, c'est Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous échangeons autour du code électoral en vue. Un code contesté pour certains par rapport à l'opportunité. Et dans cette émission, nous sommes avec trois invités. Nous sommes avec Honorable Tassien Sibomana, qui représente la coalition Amizero Yabarundi. Nous sommes avec Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. Nous sommes aussi avec Dr. Ambassadeur Denis Banchimouyoubousa, politologue de formation. Mosaïque. Justement, Denis Banchimouyoubousa, vous avez d'abord réclamé la parole, mais je voudrais vous demander si réellement quel est le danger qu'on court, si vraiment les élections sont organisées alors qu'il y a une partie des Burundais qui ne sont pas d'accord. Vous l'avez un peu parlé, mais quand même, on sent comme si pour certains c'est une peur qui n'est pas justifiée, pour d'autres que c'est vraiment... progresser vers le gouffre. Ce qui me faisait réclamer la parole, c'est, ça s'apparente à cette question même. Notre collègue Olivier parle de la Constitution. Donc, parle du prescrit de la Constitution qui n'est plus discutable. Mais avec ce prescrit de la Constitution, c'est à partir de là où on peut se demander si ce prescrit nous conduit vers ce que nous souhaitons. Sans vous interrompre, il y a Tassien, en même temps, qui s'étonne que les prescrits de l'accord d'Arusha sont reflétés à travers l'organisation du scrutin prochain de 2020, alors qu'on dirait qu'on n'y fait pas référence. Non, justement, non. Il n'y a pas de... On ne se réfère plus à l'accord d'Arusha, c'est ça que je disais. La Constitution est venue battre en brèche des grandes dispositions phares de la Cour. Mais il y a des aspects qui restent. Lesquels? Il y a les quotas qui sont respectés au niveau de vous vous rappelez d'une disposition qui donne ordre au Sénat futur de tout faire pour qu'en dehors les 5 ans, cette question soit vidée. Vous croyez qu'elle sera vidée dans quel sens? On n'est pas là aujourd'hui. Ah, on n'est pas là, mais c'est encore une fois on va voir. Voilà. Soyons optimistes. Voilà. Donc, moi, je reviens à la considération première que j'ai faite. La démocratie. Que ce soit la Constitution, que ce soit le Code électoral, que ce soit la loi qui organise l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, tout cela, c'est pour solidifier la démocratie ou alors conduire vers un régime démocratique. Alors, en embrayant sur le petit exemple que vient de donner Tassien et Olivier aussi qui disait qu'il y a la Constitution qui est là. Là, il y a quand même quelques questions de taille. La question dit qu'un indépendant doit avoir 40% de sa circonscription, alors que le parti politique doit avoir 2%. Et est-ce que, oui, c'est dit par la Constitution, mais est-ce que ça nous conduit où? Et pour Olivier, il ne faut pas s'attendre à ce que... Il ne faut pas débattre de cette question. Ça soit changé au niveau du code électoral. Il ne faut pas toucher à cette question. Est-ce qu'à une année, on va organiser un référendum encore pour... Deuxièmement, pour enfoncer, par exemple... la disposition de la Constitution, on dit que lorsque, qu'est-ce qui est dit? Pour remplacer un indépendant, on ira chercher un individu sur la liste d'un parti politique. Parce que l'indépendant n'est plus là. Oui, c'est dit. J'ai vu ça. C'est dit. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est dit. Et alors, oui, on ne touche pas. Mais nous allons où? Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça, c'est démocratique? Donc, s'il y a les indépendants qui sont là, qui ont été élus, pourquoi par exemple remplacer par quelqu'un qui a une autre idéologie à la place de quelqu'un qui avait défendu un projet et qui avait été élu? Il n'y a pas de coalition des indépendants. S'il y aurait une coalition des indépendants, il aurait suivi par... Vous ne savez même pas ce que c'est une coalition. Voilà, donc je dis... Je vais vous dire le contraire. Pour répondre à cette idée d'Olivier et d'une manière globale, je dis bien que nos codes électoraux, depuis quelques années, surtout depuis 2009, septembre 2009, ont été victimes de certaines terminologies non définies ou mal définies. Par exemple, si je regarde un tout petit peu ce projet de code, on parle d'indépendant. L'indépendant sera élu individuellement dans des circonscriptions où les partis politiques ont présenté des listes bloquées. Est-ce que c'est démocratique? Parce que la finalité, c'est la démocratie. Alors, coalition des partis politiques, je vous dis avec certitude qu'au Burundi, il n'y a jamais eu de coalition d'indépendants. Jamais. Jamais. Même Amizero Barundi n'est pas une coalition. Non. Parce qu'il y a une définition d'une coalition. On doit avoir élément A, bien reconnu, plus l'élément B, bien reconnu, pour former une coalition. Et Amizero Barundi, c'est qui est A, reconnu. Ah, si c'est Iprona, c'est une coalition des partis politiques. C'est ça. Donc, même les terminologies... Il y a des éléments qui sont là. Il y a un indépendant A qui s'est coalisé avec un indépendant B. Qui? Il ne faut pas... Qui? A, c'est qui? Il peut être un indépendant Denis, Gervais Denis, et un indépendant journaliste ici. Non, ils peuvent se coaliser. Justement, voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a des terminologies, et il y en a beaucoup dans le code électoral même précédent. C'est pour cette raison que je disais qu'il fallait plutôt commencer par corriger le code électoral précédent pour pouvoir avancer démocratiquement avec le nouveau code électoral. Alors, l'histoire des coalitions et des listes d'indépendants, ça, c'est pas défini. Et c'est très mal utilisé là, soyez sûrs et certains. Deuxièmement, il y a par exemple abstention. L'abstention, le terme abstention, c'est très mal utilisé dans tous les codes électoraux depuis 2005. On utilise l'abstention... Je pense que c'est une personne qui se présente aux élections, mais finalement qui ne vote ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Là, c'est une abstention des commissions, des comités et des assemblées constituées. Lorsque vous êtes là, mais que vous ne votez ni pour ni contre. Mais pour le cas d'un peuple qui va voter, des individus qui quittent la maison pour aller voter au bureau de vote, on parle d'abstention lorsque la personne inscrite ne se déplace pas, lorsqu'il reste, elle reste à la maison. Alors, dans notre code, nous utilisons l'abstention des assemblées constituées à la place de l'abstention d'une personne qui ne se déplace pas. Et de cette manière, la CENI proclame des résultats en utilisant des termes qui sont faux et qui ne peuvent pas donner la lisibilité des résultats. Donc, je dis quoi ? La finalité des constitutions, la finalité des codes électoraux, c'est instaurer un régime démocratique. Alors, à Olivier, je pose la question. Est-ce que nous allons vers là ? Parce que c'est ça. C'est ça. Et apprendre même le parti qui est au pouvoir, qui s'est battu pour la restauration de la démocratie, je crois qu'on doit nous produire quelque chose qui nous conduit vers l'instauration, alors le renforcement, si jamais il y en a déjà un, le renforcement d'un régime démocratique. Voilà, donc les discussions devaient être axées autour de cela. Je ne sais pas si ouais. Je me suis fait... Voilà, en vrai, avec une petite chose. D'ailleurs, qui va montrer à Olivier, à ceux qui nous occupent, qui nous écoutent, qu'on va tout droit vers notre contention. Monsieur Olivier, nous avons constitué des listes d'indépendants en 2015. Vous ne nous reconnaissez pas comme uniformistes. Jacques Begrimana ne reconnaît pas Guassa et son électorat comme membre de FNL. Quand il quitte le parti, vous-même, le gouvernement, même chose. Demain, on va venir comme indépendant. Quel sera votre argument pour nous dire que vous ne l'êtes pas? C'est la raison pour laquelle, pour le moment, on a discuté pour trouver la solution à ce problème qui a été causé. Vous n'avez pas trouvé de solution. Il vient de vous démontrer politiquement et même juridiquement. Pas du tout. La liste d'indépendants n'a rien à voir avec la coalition. C'est pas vrai, oui. Non, la liste d'indépendants n'a rien à voir. Ami zéro, c'était une liste. Et je vous défie, on va amener cette liste. Oui, pas du votre tout. Votre CENI, encore une fois, que vous avez c'était mis en place liste, oui. Sans concertation avec les autres, elle va se targuer de refuser une coalition. Quelle coalition? Nous sommes ensemble déjà depuis 2015. C'est une liste. Nous constituons une même liste, province par province. Et demain, vous allez avoir des arguments. Non, je n'ai pas des chemins qui n'arrivent pas. Non, ça, ce ne sont pas des vous chemins. Serez confrontés à cela. Et cela. Et on va vous démontrer justement que vous mettrez en place des institutions qui ne savent pas ce qu'elles font. La CENI va lire le code en disant qu'elle a raison. Que une liste d'indépendants égale coalition. Je crois qu'il y en a plus. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ce sont des souhaits. Honorable Tassien, il nous reste quelques minutes, mais tout de même, au-delà de ces polémiques, est-ce qu'il y a-t-il moyen d'avoir un code électoral consensuel? Ce ne sont pas des polémiques, monsieur le journaliste. Si vous considérez ça comme des polémiques, je ne crois pas que le débat vaut la peine. Mais c'est une diversité d'opinion. Je vous ai refusé de m'entraîner sur ce terrain depuis la révision de la Constitution et la fameuse feuille de route de Kayanza. Nous avons toujours réclamé un dialogue inclusif pour que toutes ces questions soient vidées dans un cadre collégial qui assure tous les Burundais. Ce cadre avait été tracé même par des instances internationales et sous-régionales. Ceux-là même qui chantent que maintenant ils vont jusqu'aux côtes ont bloqué le processus. Ils ont bloqué ce cadre. Ils continuent sur la lancée de préparer ces élections de façon unilatérale. Et vous voulez que je débatte de quoi c'est ce projet de code. Je vous l'ai dit, c'est un petit papier de la Constitution. Et laquelle constitution a mis en cause, a mis à terre la cour d'Arusha, et c'est ça le nœud du problème. Tous ces documents auraient été bien faits depuis, comme l'a dit M. Olivier, en oubliant que ce sont ces maîtres qui sont à l'origine du blocage du processus de dialogue. S'ils avaient accepté qu'on dialogue pour vider le contentieux électoral de 2010, ces documents auraient été bien préparés depuis belle lurette. Mais maintenant, je lui lance un défi. Heureusement que demain, il va dire que tout lui va bien, tous ces documents, tous ces textes, que lui vont bien parce que... S'ils se conforment à la Constitution, pour moi, je l'ai voté, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous dire que, en définitive, ce n'est pas des polémiques. Le problème est de fond. Veut-on un processus démocratique ou pas? Veut-on un processus électoral crédible ou pas? A-t-on les conditions optimales de préparer ce processus pour que tout le monde s'y retrouve? Tous les acteurs puissent compétir, et c'est ce qui va crédibiliser celui qui va gagner, ou le parti qui va gagner. Mais maintenant, s'ils le font pour... s'ils se frayent un chemin pour éviter les compétiteurs, afin de gagner haut la main, sans avoir, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Olivier Nkurunziza, du début à la fin, Tassien Siomana n'est pas d'accord avec la démarche que vous avez entreprise et parle que vous êtes toujours proche du gouvernement. Pensez-vous qu'il y a moyen de le convaincre pour avoir un compte électoral consensuel? Moi, ce que je vais donner comme réponse, je l'ai dit depuis longtemps, on a fait un débat dès le début sur la Constitution. On a pu passer dans les élections référendaires et vous avez vu les résultats. Que vous avez perdu. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, celui qui a donné la position dès le début jusqu'à aujourd'hui et qui n'acceptait pas même le résultat des urnes, qu'aujourd'hui, ce qu'il va se conformer avec le code électoral aujourd'hui. Pour moi, ça serait mieux, avec votre invitation, si vous m'appelez, à dire, effectivement, sur le raisonnement du docteur qui a dit, voilà, il y a des termes qu'on n'utilise pas correctement, les absents, s'exprimer comme ça, pour calculer le quotient électoral. Ce sont des questions qu'il faut débattre. Moi aussi, j'ai vraiment des questions sur ça. Que pensez-vous de 40% qu'on demande à un indépendant et 2%? C'est vraiment. Mais ce qui est de la Constitution, ce n'est pas à débattre. Parce que je l'ai dit depuis Arusha, si vous venez ici à Arusha pour dire... Ce n'est pas toi qui le dis, il y en a d'autres pour le dire. À ta place. Attendez, tu ne fais que répéter. Monsieur Tassier, c'est Olivier Mounouza qui a la parole. Non, alors, aujourd'hui, quand on parle qu'il faut attendre qu'on discute encore, qu'il faut qu'il y ait de dialogue autour de la Constitution. Exactement ce que j'ai dit, ça vient de se confirmer. Il y a des personnes qui ne veulent pas participer dans les élections de 2020. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, en 2019, vous pensez qu'on va aller dans la négociation et encore revoir la Constitution? Vous nous opposez le temps. C'est trop tard pour récupérer l'honorable Tassien. Monsieur Tassier, peut-être il va comprendre tardivement. Je ne le crois pas. Il a trouvé le brèche de participer comme le docteur qui vient de le faire. Mais ce qui n'est pas vrai. Ce que le docteur a dit, c'est vraiment aujourd'hui, il faut que le gouvernement, mais aussi la CENI, tient compte des propositions, parce qu'il faut que les termes qui sont là soient bien éclaircis, parce que ça cause des problèmes au moment des calculs de résultats. Parce que considérer celui qui est resté à la maison et celui qui a participé, le considérer comme absent ou quoi. Alors l'abstention, nul, les termes de nul, de l'abstention, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas bien défini. Il faut aujourd'hui, alors nous sommes ici pour que lors de l'élaboration de ce code, il faut contribuer dans ce sens. Là, moi, je suis pour, c'est ça. Mais dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'un indépendant ne va pas avoir 40% pour être en député, alors que c'est bien inscrit dans la Constitution. On te pose une question, comme quelqu'un qui a fait au moins l'université. Oui. Tu comprends cette logique d'exiger 40% à une personne, comme vous appelez indépendant ou pas, dans sa circonscription, tenez-vous bien, et qu'un parti politique, on lui demande seulement 2% au niveau national. Attendez, c'est pas question de faire l'université. C'est question de comprendre pourquoi. Au niveau du parti IPRONA, dès le début de l'élaboration... Au début de l'élaboration de la Constitution, nous avons démontré, noir sur blanc, comment les indépendants, ce sont des hommes qui viennent détruire les partis politiques à la veille des élections. Et on a demandé au gouvernement, mais aussi à celui qui était en train de faire la cause, de voir comment protéger les partis politiques. Quand indépendant et le droit de faire. Tu crois que tu vas un peu. Pour moi, ça va. Tu crois que tu vas. Voilà. J'accorde la parole à Dr Denis Banchimiboussa. Il a raison. Justement, pour abonder sur les derniers mots d'Olivier. Là, vous avez raison. Mourouziza, nous sommes vers la fin. On aimerait aussi. Votre contribution, justement, par rapport à. Un code électoral qui pourrait rassurer pour les élections. Mais vous allez me permettre de lui dire qu'au moins il a raison. Oui, il a raison parce que les lois, c'est quoi? Les lois, c'est le politique coulé dans le moule du droit. Alors, maintenant, ils ont vu que les indépendants... étaient plus forts que les partis politiques. Non, c'est parce que je vais dire... détruit les partis. Mais je dis que les indépendants venaient détruire les partis politiques. Donc, sur ce point, vous avez raison de museler les indépendants. Au moins la raison. Alors, de cette disposition, elle est portée à la connaissance de l'opinion. Lui aussi, il reconnaît, il sait qu'il a raison. Oui, je l'ai expliqué depuis... Concrètement... je reviens toujours sur l'aboutissement de ce que l'on veut, ce que l'on cherche. Qu'est-ce que l'on veut atteindre en régime démocratique? Alors, lorsqu'on veut atteindre un régime démocratique, il n'est jamais trop tard pour faire. Même les gens qui ont des armes, on peut les approcher pour négocier. Et ça a été pour le Burundi. Des exemples, il y en a, je crois. Alors, pour question du code électoral intouchable, selon Olivier, je lui répète que ce n'est jamais trop tard pour faire. Si on voit qu'on s'est trompé quelque part, on peut peut-être ne pas faire le référendum. Depuis la Constitution. Oui, depuis la Constitution. C'est un texte, non? C'est le politique qui a été coulé dans le moule du droit. Si on trouve qu'on s'est trompé quelque part, on peut par exemple s'approcher, on peut par exemple passer par l'Assemblée nationale pour proposer des amendements. Ce sont des voies légales, non? Oui. Alors, lorsqu'il y a la volonté politique, ce n'est jamais trop tard. Mais si on veut arriver à un régime démocratique et qu'on reste toujours... dans une crise ou dans un processus très conflictuel, j'ai peur qu'on n'aboutisse pas à ce que l'on veut avoir. Alors, que de le rater? Alors qu'on voit qu'il y a problème, faudrait chercher par tous les moyens pour assainir le terrain, pour préparer les joueurs, les acteurs, pour préparer les règles du jeu démocratique, pour préparer les arbitres, la CENI, n'est-ce pas? C'est ça. Afin d'avoir des institutions démocratiques issues d'un processus démocratique, un processus électoral crédible. Donc, ce n'est jamais trop tard pour faire lorsqu'on a de la volonté politique. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour de l'opportunité et des innovations envisageables par rapport au code électoral pour les élections de 2020. Dans ce studio, nous étions avec trois invités. Nous remercions honorable Tassien Sibomana qui représentait la coalition Amizero y'Abarundi. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie de m'avoir invité, même demain je reviendrai. Et je vais terminer par là où j'ai commencé. Tout processus électoral préparé dans les circonstances que nous connaissons devait être celui qui nous conduit à la sortie de la crise. Si ce n'est pas cela, c'est dommage pour le peuple burundais et malheureusement c'est cela. Je dis également merci à Olivier Nkurunziza, il est secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Et merci beaucoup de m'avoir invité et je pense que tout ce que je souhaite, il faut que ceux qui veulent contribuer effectivement, que ça ne reste pas ici sur Sanganilo, que ça passe aussi partout là où on va contribuer. Vous voyez que le texte va passer dans le Conseil des ministres. Il faut contribuer pour que ce qu'on veut changer puisse effectivement être tenu en compte. Sinon, le parti Prona est prêt à contribuer. Nous allons nous mettre ensemble pour donner nos contributions comme d'habitude. J'espère que vous souhaitez que Tassien soit invité dans ces assises. Effectivement, s'il veut encore gagner le parti Prona, il est le bienvenu. Nous remercions également à Dr. ambassadeur Denis Banchimiyoussa, politologue de formation. Merci pour vos contributions et d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. À la mise en onde de l'émission de Mosaïque, Eric Ouimana, Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation. À l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, Pacifique Chubairo, je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.